Pour tout savoir sur les castors de Dolbeau, écoutez la chronique de Daniel Tremblay tous les jeudis dans la section entrevue de danradiosport.com.